La Terre. La Terre est une planète tellurique composée d'eau et de diverses roches. Elle abrite des millions d'espèces d'êtres vivants et l'une d'entre elles s'autoproclame intelligente. Les humains. Les humains sont des bipèdes possédant des individus surpassant les autres espèces par leur intelligence aléatoire. L'avancée technologique de cette espèce se fait par la recherche scientifique en constant développement par des personnes passionnées et curieuses à la recherche de nouvelles limites à franchir. Louis ? Louis ? Qu'est-ce qu'il y a, Charles ? Ah, Louis. Regarde ça. Lewis Houston, avec son équipe, ont réussi à créer une résistance électrique capable de s'opposer totalement à tout courant électrique. Encore une réussite des Américains. Oh putain. Et ça date de quand, la dernière fois que la France s'est illustrée en physique ? Bien trop longtemps. Il faudrait trouver un moyen de rayonner. Parce que nous sommes la nation française. Nous devons impressionner le monde et dépasser cette découverte. Et du coup ? Quel est ton projet ? Si les Américains impressionnent la communauté scientifique avec une résistance capable de stopper tout courant électrique, qu'est-ce que ça ferait comme effet si on parvenait à générer une puissance électrique que cette résistance ne pourrait stopper ? Mais quelle excellente idée, cher confrère ! Attends-nous à la tâche dès maintenant ! Et ainsi, plusieurs mois plus tard, nos deux physiciens français réalisent un générateur d'une puissance inimaginable qu'il présente alors au congrès annuel des innovations scientifiques. Et c'est ainsi, chers amis, c'est à l'occasion du 71e congrès international de physique que nous avons l'honneur d'avoir la présence de messieurs Charles Cartier et Louis Martin, chercheurs de la Sorbonne, qui vont présenter pour la première fois une invention qui bat tous les records en générant un courant électrique dépassant le téraampère, induisant une énergie beaucoup plus importante que la puissance nucléaire actuelle. Ce courant électrique serait capable de dépasser les capacités des plus grosses résistances du monde. En cet honneur et en réponse à ce défi, Lewis Houston nous a confié sa fameuse résistance Houston qui devrait stopper l'électricité générée. En effet, messieurs, dames, notre générateur est alimenté par une multitude de sources que nous activerons afin de faire entrer toute cette énergie dans ce circuit. Ce dernier est composé du générateur, de la résistance Houston, d'une ampoule classique et d'une prise de terre en granit Kalakata. Nous allons donc pouvoir prouver la puissance de notre générateur si l'ampoule s'allume. Notre courant sera alors plus puissant que la plus grosse résistance du monde. Préparez-vous à être ébahi par la puissance de notre dispositif. Charles, tu peux allumer les sources d'énergie. Et hop ! Comme vous pouvez le voir, l'ampoule s'allume malgré la résistance Houston. Nous avons donc créé la plus grosse puissance énergétique du monde. Et maintenant, allons au maximum de nos capacités. Charles, je crois que la prise de terre a du mal à absorber l'énergie. Et la prise de terre éclata. Ok, non, Lorendil, je pense que t'as pas compris le concept, c'est la Terre, la planète Terre qui est censée éclater. Non, mais en fait, je voulais pas tuer mes personnages, j'y tiens un peu. Oui, d'ailleurs, à ce sujet, si la prise n'est plus là, ils vont mourir électrocutés, non ? Ah non. En fait, ils ont fait une seconde sortie qui est reliée au sol, comme ça l'énergie se disperse dans la Terre, et ça devrait être bon. Au fait, un téraampère, c'est beaucoup ou pas ? Et la Terre éclata !